Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Gay Mozo. C'est une radio gay, pas une radio pas triste. Hein, voilà. Et ce soir, eh bien, c'est Mosaïque. Alors, Mosaïque, le programme de ce soir, eh bien, histoire du 1er mai, un privé de liberté proche de Macron, journaliste de la LCI, il y a à la télé des voix qui analysent avec lucidité et honnêteté. Hein? Eh ben, tiens, eh oui. Je suis sûr que vous l'avez remarqué déjà, ça. Eh oui. Adrien Quatennens, 12 et 19 juin, occasion de battre Macron. Blast Serge Faubert, Macron, le roi des castors. Clément Viktorovitch, François Hollande fait échouer une négociation. François Hollande a-t-il fait échouer beaucoup de choses, hein? Bon, allez, hein, vous serez les juges, voyons. Jean-Luc Mélenchon, France 2, Nouvelle Union Populaire. Les médias mentent. Ukraine-Syrie, même combat avec Raphaël Pitti. Et le royaume Visigoth. Eh oui, l'histoire plus ancienne de la France et des pays qui l'entourent, les Visigoths. Visigoths. Si on peut dire aussi. Alors, et puis quelques chansons, Gilles Servat, Jean Ferrat, Coluche Chômeur, et voilà. Bonne soirée, bonne nuit. Oh, et si j'étais riche, oh, et si j'étais riche, da moi. Hey, adieu la charrette, digue dedo dedo da da da da da da da da da. Tous les jours je digue digue riche, da do da do da do da do moi. Je bâtirai un vrai palais, montant jusqu'au ciel sur la place du marché. Des murs plantés bien droits sous un toit doré. Un escalier de marbre, un autre tout en bois, l'un pour entrer, l'autre pour sortir. Et encore un troisième pour la joie. Et plein ma cour d'espoir, des coqs et des poules, toute la ville m'envirait, car ça piaillerait, ça caquetterait. Et chaque quoi sonnerait comme un vrai coup de clairon. Regardez tous, admirez ma maison. Oh, et si j'étais riche, et digue-di-do-di-do-doi-do-doi-do-doi-do-doi-do-doi. Tous les jours je digue-digue-dôme. Oh, si j'étais riche, moi. Hey, adieu la charrette, digue dido dido doi do doi do doi do doi do doi. Dieu qui fit le ciel et les étoiles, est-ce que ça t'aurait donné du mal de changer ton plan phénoménal et me faire riche, moi? Le 1er mai, jour chômé ou jour de grève et de manifestation ouvrière à travers le monde, est un jour où, par-delà les frontières, les travailleurs affirment la même volonté de voir se modifier l'ordre social. Célébré avec plus ou moins de vigueur et de combativité selon les périodes et les pays depuis 1890, le 1er mai est devenu, par tradition, la journée des travailleurs. Plus ou moins fête, plus ou moins journée de lutte, il n'en continue pas moins d'affirmer le caractère international de la lutte de la classe ouvrière pour son émancipation. Cette journée traditionnelle du mouvement ouvrier a pris son origine aux États-Unis le 1er mai 1886. Cette journée de grève fut le point culminant d'une vague de grève pour la journée de travail de 8 heures, à la suite de quoi 7 militants ouvriers furent condamnés à mort. Ce jour-là, en effet, la bourgeoisie américaine sentit passer le spectre de la révolution. Et c'est à ce titre que les travailleurs du monde entier, chaque année, célèbrent ce jour prémonitoire. Le 1er mai 1886 s'inscrit dans une longue période de lutte du mouvement ouvrier américain. Entre 1873 et 1883, ce furent des années noires pour les ouvriers américains. Pendant la période de dépression et de crise économique qui dura jusqu'en 1877, les travailleurs avaient dû résister à l'amputation de leur salaire, aux tentatives d'allongement de la journée de travail et aux licenciements, par des grèves et des luttes très dures. Les patrons répondaient par le lockout, c'est-à-dire la fermeture des usines et l'embauche de non-grévistes. La situation leur était d'autant plus favorable que se pressaient de nombreux immigrants chassés d'Europe par la misère. L'État américain lança ses troupes. L'année 1877 compta plus d'un millier de morts dans les rangs ouvriers. Les mêmes troupes qui avaient massacré les Sioux après la bataille de Little Bighorn en 1876 dans le Montana furent transportées à Chicago en 1877 dans le but d'écraser la grève. Et dans les villes, écrivit dans ses mémoires Maman Jones, une militante américaine, c'était la famine, la misère, le désespoir. Ce fut dans ce contexte que se développa une campagne nationale pour la journée de 8 heures. En novembre 1884, à Chicago, au 4e congrès de la Fédération américaine du travail, les syndicalistes Foster et Edmonston proposèrent une résolution visant à faire du 1er mai 1886 la date de départ d'une nouvelle journée de travail légale limitée à 8 heures. Elle fut acceptée. Alors se créèrent, dans tous les centres industriels des États-Unis, des comités, des associations de propagande pour la journée de 8 heures et pour la rendre effective. Les ouvriers américains ne comptaient plus sur les négociations ou l'arbitrage des syndicats et des patrons. Car depuis 1868, quand une loi fédérale avait été votée légalisant la journée de 8 heures dans les entreprises de travaux publics, la loi n'avait jamais été respectée. Alors, tout ce que l'Amérique comptait de militants, syndicalistes, chevaliers du travail, anarchistes, fit campagne pour la journée de 8 heures. Les patrons, devant l'ampleur que prenait le mouvement, le taxaient d'anarchistes, d'étrangers et d'anti-américains. Mais certains n'attendirent pas la date d'échéance pour accorder les 8 heures sans perte de salaire. À Chicago, témoignait encore Maman Jones, la ville est divisée en deux camps ennemis. D'un côté, les ouvriers gelés, affamés, sans travail, n'ayant que leurs poings nus à opposer aux revolvers et aux matraques de la police. De l'autre, les patrons, à l'abri du froid et de la faim, protégés par la police, par la presse et par toutes les forces de l'État souverain. Tout le monde gardait alors en mémoire les violentes répressions de 1877. Malgré les recommandations à la prudence des différents mouvements politiques, des grèves éclatèrent dès le début d'avril 1886. Ce fut une lame de fond qui se leva le 1er mai. À partir d'aujourd'hui, nul ouvrier ne doit travailler plus de 8 heures. 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures d'éducation, clamait-on dans les manifestations. Pas moins de 5000 usines se déclarèrent en grève, regroupant quelque 340 000 grévistes aux États-Unis. Les patrons claquaient des dents. « Ils voient le spectre de la révolution », commentait encore Maman Jones. À Chicago, où le mouvement était particulièrement puissant, animé par de nombreux anarchistes, la grève s'amplifia. 40 000 le 1er mai. Les ouvriers étaient 80 000 en grève le 3 mai. Ils se rassemblèrent à la sortie de l'usine McCormick, qui venait de licencier 1 200 ouvriers par représailles, et conspuèrent les jeunes qui avaient accepté de prendre la place des grévistes. Ils furent dispersés par la police qui tira. Alors, Auguste Paille, un militant anarchiste, donna rendez-vous pour le lendemain sur la place du marché au foin. Là, devant une foule nombreuse et disciplinée, Spies, Sparson, Filden, tous anarchistes, prirent la parole. Mais au moment de la dispersion, la troupe montée à cheval arriva. Une bombe explosa, jetée d'une fenêtre. Des policiers furent tués, la police riposta, il y eut 200 blessés, plusieurs tués. On ne sut jamais rien sur l'auteur de l'attentat. Mais 8 dirigeants anarchistes de Chicago furent arrêtés. Spies, Schwab, Filden, Pearson, Fisher, Engel, League et Nib. Sept d'entre eux furent condamnés à mort le 20 août 1886. Nib à 15 ans de prison. Fieldham et Charm signèrent un recours en grâce. Leur peine fut commuée à la prison à vie. Ling se suicida. Le 11 novembre 1887, quatre anarchistes furent exécutés. Les funérailles eurent lieu le dimanche qui suivit les exécutions. Des milliers d'ouvriers suivirent les corbillards, non parce qu'ils étaient anarchistes, mais parce qu'ils sentaient que ces morts, quelles que fussent leurs convictions, étaient tombés en martyrs de la cause ouvrière. Le cortège s'étira sur des kilomètres sous le regard d'une foule énorme et silencieuse, racontait Maman Jones dans ses mémoires. Si en 1886-1887, le martyr des anarchistes de Chicago devint un symbole pour les ouvriers américains, il n'avait pas encore soulevé la réprobation dans le monde. Mais les ouvriers anarchistes américains n'étaient pas morts en vain. Trois ans plus tard, le mouvement pour la journée de 8 heures, mouvement au départ spécifique aux ouvriers américains, prit une ampleur internationale assumée par le mouvement socialiste. C'est alors que le mouvement ouvrier international se fit l'écho d'Albert Persson devant ses juges. « Vous croyez, messieurs, que lorsque nos cadavres pendront au gibet, tout sera fini ? Vous croyez que la guerre sociale aura cessé lorsque vous nous aurez étranglés sauvagement ? Ah non ! Au-dessus de votre verdict, il y a celui du peuple américain et du monde tout entier. » À ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur. Cette génération qui est la mienne, 50 ans après, vit dans un pays où le gouvernement peut choisir ses manifestants

rendent les femmes des ennemis dociles. D'autant que ça n'est pas leurs époux morts qui pourront vous causer le moindre tort. Quand le tonton de Serbie allait chez le tonton Kosovo, ils échangeaient leurs brebis, ils se vendaient des petits veaux. Et leurs enfants s'aimaient bien, ils se tenaient par la main, ils se baignaient dans le Danube, écoutaient les mêmes tubes. Mais le monsieur qui vend des canons a dit c'est fini, nom de nom. Plus question de vous aimer. Ensuite il a affirmé aux Serbes qu'un Kosovar ça vaut pas un pet de canard. Il y a un slogan qu'on applique, purification ethnique. Moi je vous vends la guerre, vous n'avez plus qu'à la faire avec le Coran ou l'Évangile. On obtient de jolies guerres civiles. Vous pouvez mettre à sac les maisons sans pour autant risquer la prison. Quand le grand-père irakien et le grand-père iranien troquaient leurs tapis anciens, le pétrole ne valait rien. De Téhéran à l'Euphrate, on se partageait les dates. Contre un sac de haricots, on louait son bourricot. Mais le monsieur qui vend les canons a dit battez-vous car sinon mes blindés, mes bazookas vont me rester sur les bras. Irakien, il est grand temps d'annexer le Khouzestan. Et toi l'Iranien, j'espère que tu ne vas pas te laisser faire. Moi, je vous vends la guerre, vous n'avez plus qu'à la faire. Vous aurez des femmes en ribambelle et bien entendu même les pucelles qui dans vos bras se retrouveront nues, n'iront sûrement pas se plaindre à l'ONU. 5, la campagne pour le non, elle est embarquée par qui ? Jean-Luc Mélenchon, qui est encore au Parti Socialiste, Laurent Fabius, qui est président du Conseil constitutionnel aujourd'hui, et Henri Emmanuelli. Et c'est le non qui l'emporte. Qu'est-ce qui est en train de se passer sous vos yeux ? C'est les éléphants qui sont en train de faire de la résistance et la jeune génération qui dit il faut prendre le sens du vent. Le sens du vent, ça veut pas dire... Le sens du vent et le retournement de veste. Pas du tout. Mais justement, j'étais sûre que vous me diriez ça. Le sens de l'histoire. Quand vous regardez ce sur quoi ont topé l'ensemble des formations de gauche, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire ? Qu'est-ce qu'il y a de si irrationnel et de la retraite à 60 ans. Et alors, est-ce qu'on peut dire, on peut décider qu'à un moment donné, à gauche, on est vraiment de gauche, on n'est pas matinée néolibérale ou matinée libérale, et qu'on a décidé de contrer et de faire une... Bernard Cazeneuve, vous répondrez que c'est irresponsable pour une gauche du gouvernement. Excusez-moi, irresponsable. Tout le monde a été au gouvernement. Les Verts ont été au gouvernement. Jospin, 5 ans. Jean-Luc Mélenchon a gouverné également. Je vous rappelle quand même qu'il a été ministre. Ce n'est pas le sujet. On fait de la politique. Faire de la politique, c'est décider qu'à un moment donné, la gauche, la droite et Macron, c'est pas pareil. Emmanuel Macron, c'est pas pareil. Donc, j'entends bien la résistance des éléphants. Je comprends très bien leur résistance. Mais plutôt que de parler de Bernard Cazeneuve qui claque la porte, il sera pas le dernier, il est pas le premier. Parlons de Martine Aubry qui dit oui, bien sûr. Parlons de Ségolène Royal qui dit oui, bien sûr. Parlons également de tous ces maires, cette nouvelle génération socialiste qui disent oui, nous allons voter cet accord. Nathalie Appéré à Rennes, Johanna Roland à Nantes, Benoît Payan à Marseille, Mathieu Klein, ils sont pas dans des calculs. Ils savent très bien qu'à un moment donné, il faut opposer autre chose qu'une résistance molle et compatible avec un projet d'Emmanuel Macron qui a viré sur la droite et le libéralisme. Thank you. Bonjour Adrien Quatennens, merci d'être avec nous ce matin sur LCI. Vous êtes coordinateur de la France Insoumise, député du Nord, candidat d'ailleurs à votre réélection les 12 et 19 juin prochains. Vous avez des petits yeux, non, mais enfin vous avez peu dormi parce que vous faites partie du paquet des négociateurs. C'est vrai que LFI est au centre de l'actualité politique en tentant de construire cette coalition de partis. C'est déjà topé pour l'essentiel avec les écologistes. Vous discutez maintenant, entre autres, avec le PS et le Parti communiste. Avec le PS, qu'est-ce qui coince à ce stade ? Bon, d'abord, permettez-moi de dire ce que nous souhaitons faire, pour que ce soit bien clair. Parce que nous ne sommes pas candidats à un simple accord électoral de répartition opportuniste de postes ou que sais-je. Ça n'est pas ça, ce que nous faisons. Ce que nous proposons, c'est une offre de partage stratégique et programmatique. Plus que les états-majors politiques, Elisabeth Martichoux, ce qui est en cause, ce sont les millions de femmes et d'hommes qui, au mois d'avril, ont voté pour, par exemple, l'augmentation du SMIC, la retraite à 60 ans, pour la planification écologique, qui peut-être pouvaient considérer que, comme l'élection présidentielle n'a rien réglé de tout ça, c'était terminé. Vous avez vous l'avez perdu, l'élection présidentielle. De fait, mais si vous voulez, ce qui s'est produit, c'est l'apparition d'un paysage politique en trois blocs, un bloc ultralibéral avec M. Macron, un bloc d'extrême droite avec Mme Le Pen, et ce troisième bloc, on peut appeler le pôle populaire, qui a vocation donc à s'élargir, dans des institutions qui, elles, en réalité, provoquent la confrontation entre deux blocs. Donc, ce qu'on peut dire, en tout cas, pour commencer, c'est important, parce que sinon, il faut politiser les affaires de discussion entre partis. Ça ne nous a pas échappé. Élisée, Premier ministre, c'est une formule géniale, oui, et elle a percuté l'opinion. Ce que tout le monde comprend, en tout cas, c'est que cette élection présidentielle, ce second tour entre M. Macron et Mme Le Pen, a empêché les ruptures sociales, écologiques, démocratiques indispensables, que l'élection présidentielle n'a rien réglé. Compris, c'est le troisième tour. Voilà, donc, exactement. Cette négociation, encore une fois, c'est important, c'est en même temps, c'est en ce moment que ça se fait et ce serait historique. Le mot a déjà été formulé par Emmanuel Bompard. Déjà historique. Voilà. Donc, qu'est-ce qui coince avec les socialistes ? Est-ce que vous avez la franchise de me répondre ? C'est pas que ça coince, c'est que la discussion part de nécessairement plus loin. Tout le monde le voit, tout le monde se souvient, y compris de la campagne présidentielle, de sa tonalité. Nous, le pari qu'on a fait, c'est de dire, allez, on met l'amertume de côté. On fixe un cap qui est bâtir une majorité pour gouverner. On dit aux gens, les 12 et 19 juin, si vous élisez une majorité issue de cette nouvelle union populaire, on pourra gouverner. Donc, alors, on veut vérifier. Sur quelle base et qu'est-ce qui coince sur la base, c'est que, par exemple, vous voyez, dans l'accord que nous avons avec les écologistes, avec Europe Écologie Les Verts, on a un programme de gouvernement partagé. C'est pas quelques mesures, c'est un programme de gouvernement. C'est ça l'ambition, c'est de gouverner. Donc, avec le Parti Socialiste, la discussion, y compris sur le fond, eh bien, elle peut être parfois plus compliquée. Je pense, par exemple, parce que vous me demandez des points qui sont des points durs de la discussion. Par exemple, cette question dont on a beaucoup parlé ces derniers jours dans les médias sur la fameuse désobéissance au traité européen. Mais vous savez, Elisabeth Martichoux, c'est plus souvent de l'incompréhension, en réalité, que de véritables points de blocage, à mon avis. Parce que la désobéissance au traité européen, de quoi s'agit-il ? Que ce soit bien clair ce matin sur votre antenne. Nous ne souhaitons pas, la France insoumise, d'ailleurs, nous n'avons jamais souhaité sortir de l'Europe. Ça n'est pas le sujet. Vous n'assumez pas la sortie de l'Europe. Vous dites, pour que ce soit appliqué. On ne l'assume pas parce que ce n'est pas notre programme, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est écrit dans l'accord avec les écologistes. En revanche, ce que vous écrivez aussi dans cet accord, c'est que pour être en capacité d'appliquer notre programme et respecter le mandat que nous aurons donné les électeurs, il nous faudra dépasser ces blocages et être prêt à désobéir à certaines règles européennes, particulières économiques et budgétaires, comme le pacte de stabilité et de croissance, le droit de concurrence, les orientations agricoles, c'est-à-dire la PAC, excusez du peu, c'est très important. Et ça, c'est textuellement l'Europe à la carte. Ben, il s'agit de dire que non, c'est pas l'Europe à la carte. C'est quand ça me plaît, quand c'est conforme à mon programme, je prends. Elisabeth Martichoux, quand c'est pas conforme, permettez-moi de l'expliquer, même si vous avez contribué à éclairer les choses, mais je vais compléter. J'ai lu votre texte, je vais compléter. En réalité, il est impossible de procéder à des ruptures sociales, écologiques indispensables en respectant à la lettre les actuels traités européens qui imposent la concurrence libre et non faussée, qui imposent le pacte de stabilité budgétaire. Et vous voyez d'ailleurs que déjà, y compris dans un passé récent, la désobéissance, elle a déjà eu lieu, y compris d'un point de vue budgétaire, par la France. Ce que nous disons, pour bien le résumer... Il y a eu un accord des 27 pour déroger à la règle pendant la crise du Covid. Il y a eu un accord des 27. Alors, ça s'est pas fait comme ça. Sur ce point peut-être, mais supporter Elisabeth Martichoux qu'un certain nombre de pays désobéissent déjà. Alors, nous ne sommes pas d'accord... Actuellement, vous avez raison, le Portugal ici, l'Espagne et la bien France sûr, parfois... Bien sûr, l'Espagne sur les prix de l'énergie. Ce que vous proposez, L'Allemagne, par exemple, désobéit sur la mise en concurrence des entreprises de l'eau potable. Bon, voilà, donc il y a des sujets. En fait, pour le résumer pour les téléspectateurs qui nous écoutent, c'est assez simple. Si vous votez pour un programme ou qui procède d'un certain nombre de propositions, notamment, par exemple, la reconstitution d'un pôle public de l'énergie, si les traités européens nous empêchent, font blocage à ce que vous aurez décidé souverainement, alors le gouvernement que nous bâtirons ensemble lèvera ces blocages, voilà, alors, au cas par cas, tout simplement. Ce faisant, c'est pas, si vous voulez, un objectif, la désobéissance. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que si tous les pays européens, ils sont 27, viennent avec un certain nombre de dérogations qu'ils veulent obtenir, l'Allemagne dit, moi je veux plus cette norme européenne, moi, vous dites, je veux plus de la PAC, je veux plus de celle-là, etc. Mais ça ne veut plus rien dire. Ça n'est plus une Europe. Il n'y a plus de solidarité européenne. Écoutez, c'est ça l'Europe à la carte. Mais c'est la sortie de l'Europe. Sauf qu'incontestablement, non. De facto, c'est la fin de l'Europe. Moi, je vais vous dire une chose, Hébette Martichoux. Si on laisse libre cours à l'Union européenne dans le cadre de ces traités tels qu'elles fonctionnent aujourd'hui, qui imposent la concurrence libre et non faussée, qu'avons-nous sous les yeux aujourd'hui? Est-ce que vous croyez que l'Union européenne que nous avons sous les yeux aujourd'hui correspond à l'idéal européen tel qu'il a été vendu au départ, de coopération entre les peuples? Non mais attendez, non mais parce que cette discussion-là, cette discussion est importante. Aujourd'hui, l'Union européenne que nous avons sous les yeux, sur certains aspects, c'est vrai, elle protège. D'ailleurs, nous précisons qu'il y a des points sur lesquels nous n'avons pas l'intention de revenir. Mais par contre, on est forcé de voir qu'aujourd'hui, c'est essentiellement un marché qui organise la concurrence libre et non faussée entre des pays dont on empêche l'harmonisation sociale et fiscale. Donc en fait, disons les choses simplement. C'est sur ce sujet qu'avec le Parti Socialiste... Nous ne voulons pas tout jeter, mais nous voulons en effet permettre une réorientation et dire que même si cette réorientation n'avait pas lieu, nous pensons que la France a un poids pour qu'elle ait lieu. Mais si elle n'a pas lieu, nous appliquerons notre programme. Vous avez l'honnêteté de dire ce matin que c'est sur ce sujet-là qu'avec le Parti Socialiste, il est nécessaire encore de discuter. Bien sûr, et que les discussions doivent s'approfondir. Mais vous me dites, il faut qu'ils comprennent ce qu'on veut et qu'ils viennent sur nos positions. Ils ont mal compris, il faut qu'on s'explique. Elisabeth Martichoux, tout le monde a bien vu qu'à deux reprises, lors de deux élections présidentielles, c'est un programme de rupture qui a été mis en avant. On est obligé de le constater. Si demain, on faisait autre chose que ce qu'a été la courroie de transmission de ces deux résultats, 2017-2022, Jean-Luc Mélenchon à 22%, alors on ne comprendrait pas l'état du pays. D'accord. Et les aspirations populaires. C'est le rapport de force, c'est comme ça. Mais vous en tout cas, il y a une discussion. Vous dites aux socialistes, venez sur nos positions. Écoutez, on aurait pu dire, d'ailleurs, si on l'avait dit, vous en auriez fait reproche, on aurait pu dire à l'issue de la présidentielle, bon, notre score est tellement important que, après tout, pourquoi discuter avec les autres? Ce n'est pas le choix que nous avons fait. Le choix que nous avons fait, malgré y compris la violence des propos qui ont été tenus contre Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne, c'est de dire, écoutez, on se hisse à la hauteur de l'histoire. Nous proposons de gouverner. Jean-Luc Mélenchon a résumé les choses, mais en fixant bien le cap. Il a dit, si vous votez pour une majorité de députés issus de cette nouvelle Union populaire, alors, c'est vrai, puisque c'est le bloc majoritaire qui envoie le Premier ministre à Matignon, Jean-Luc Mélenchon peut être Premier ministre. Ça veut donc dire, et tout le monde le comprend, c'est pas Jean-Luc Mélenchon Premier ministre pour faire plaisir à Jean-Luc Mélenchon et le plaisir de s'installer à Matignon. Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, ça veut dire c'est qu'on va gouverner, mais bien sûr. Vous avez combien de circonscriptions gagnables? Écoutez, vous déjà, avez fait des calculs parce que déjà, vous êtes des stratèges. Rien que l'Union populaire, les résultats de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle nous placent en tête dans plus d'une centaine de circonscriptions et en capacité d'être au second tour, entendez-moi, dans plus de 400. Et là, en plus, nous sommes en train d'essayer d'élargir ce pôle populaire. Nous l'avons fait avec Europe Écologie Les Verts. Des discussions ont lieu, elles reprendront aujourd'hui, dès ce matin, avec le Parti communiste et le Parti socialiste. C'est une chape, j'allais dire, électorale très, très, très, très lourde. C'est très compliqué de faire cette transcription des résultats de la présidentielle sur les législatives. Avoir une majorité, ça va être très, très compliqué. C'est atteignable, franchement. Oui. Oui, vous n'allez pas me dire le contraire. Non, mais... Vous n'allez pas me dire le contraire. Je peux vous répondre? Oui. Non mais juste pour en placer une et vous répondre. Ce serait rigolo, vous me disiez le contraire. Non mais on pourrait dire, Monsieur Macron a été élu, rentrons à la maison, restons dans nos canapés et ne faisons rien. Non. C'est moi qu'on peut dire, pas ce que vous faites. Ce que nous disons, c'est que après le mois de juin, il n'y aura pas beaucoup d'autres occasions. Parce qu'après, on est dans une séquence où pendant 2 ans et demi, il n'y a plus d'élections. Donc si vous voulez manger la retraite à 65 ans, le projet socialement brutal et écologiquement irresponsable d'Emmanuel Macron, restez à la maison. En revanche, si vous voulez que ça change, c'est encore possible. Vous savez, le slogan de campagne, c'était « Un autre monde est possible ». Le slogan de la campagne législative, en plus de Mélenchon Premier ministre, c'est aussi un autre monde est encore possible. Oui, c'est vrai, 12 ça et 19. Un autre monde est encore possible. Moi, je pense que c'est plutôt habile de le dire. Ça consiste à dire aux gens, de fait, compte tenu du paysage politique issu de la présidentielle. Et ne ratez pas l'occasion. Ces 12 et 19 juin, oui, vont fonctionner comme un troisième tour. Ne ratez pas l'occasion, il n'y en aura pas d'autres. Et on peut gouverner, voilà. Et donc appliquer ce programme. La retraite, vous venez d'en parler, c'est intéressant. Vous, c'est la retraite à 60 ans. Hein, l'âge légal à 60 ans. Le PS, il va venir sur votre position? Il était sur le statu quo comme les Verts, 62 ans. Hein. Je crois, oui. Je crois que, vous savez, je crois que globalement, on voit bien ce qui est en train de se passer au Parti Socialiste. D'ailleurs, c'est l'une des difficultés. Pas la nôtre, mais la leur. C'est qu'il y a une clarification en cours au sein du Parti Socialiste. Nous avons discuté d'un certain nombre de points à partir desquels la discussion est possible. Et sans ces points-là, elle ne l'était pas. Un certain nombre de points du programme qui ont été absolument centraux dans la campagne présidentielle qu'on ne peut pas mettre de côté. Par exemple, celui que vous évoquez, la retraite à 60 ans. Une écrasante majorité vous des Français la souhaitent. Vous, c'est pas possible de faire une concession là-dessus. Où ils viennent mais sur votre position? Quelle concession voulez-vous que l'on fasse coalition. Avec une position qui est majoritaire dans le pays? Je crois que l'un des derniers sondages, c'est 71% des Français qui souhaitent le rétablissement de la retraite à 60 ans et ils ont ô combien raison. Oui, et je crois d'ailleurs qu'au Parti Socialiste, certains, la plupart sans doute, l'entendent. Parce que, d'ailleurs, le Parti Socialiste, en son temps, l'avait proposé, la retraite à 60 ans. Pourquoi est-ce qu'on propose la retraite à 60 ans, d'un mot? Parce que, il faut quand même le dire, un salarié français aujourd'hui, là, à l'heure où on se parle, à lui seul, produit trois fois ce que produisait un salarié il y a 50 ans. Donc c'est la vérité, c'est donc qu'avec moins de travail humain, compte tenu de l'augmentation de la richesse produite, on peut financer plus de retraites. Quand M. Macron vous dit que la solution, c'est uniquement de travailler plus longtemps, en fait, ce qu'il dit, c'est son intention de ne pas mieux partager les richesses. On peut dire ça comme ça, c'est à prendre ou à laisser, ça vous va? Parce que vous dites, on a fait 22%, qu'effectivement, on ne peut pas se renier sur un sujet aussi important que Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, avait mis en tête de son programme. Entendons-nous bien. Compte tenu, en effet, laissez-moi l'expliquer, compte tenu des rapports de force tirés de l'élection présidentielle, oui, c'est autour de la stratégie de l'Union populaire et autour de ce programme que se fait ce rassemblement. Mais ça n'est pas à prendre ou à laisser. On ne va pas demander au Parti Socialiste, à Europe Écologie Les Verts ou au Parti Communiste Français d'avaler tout entier le programme L'Avenir en Commun. Par contre, nous le mettons pas comme base de discussion. Mais il y a des points, mais évidemment, il y a des points sur lesquels nous ne pouvons pas bouger, revenir. Après, il y a des choses sur lesquelles on peut discuter. Est-ce que NPA sera dans la coalition? Écoutez, il y a une rencontre ce matin et nous allons discuter aussi avec eux. Notre ambition, vous l'avez compris, c'est large, comme coalition. C'est de rassembler large. Du Parti Révolutionnaire de Philippe Poutou, un parti de gouvernement qui était le Parti Socialiste, vous n'avez pas peur du claquage? Ça va même plus loin encore, puisque en réalité, là on parle beaucoup, c'est normal, des rencontres entre partis politiques. Mais la stratégie de l'Union populaire, Elisabeth Martichoux, c'est le rassemblement de toutes celles et ceux, femmes et hommes, quel qu'ait été leur parcours politique, quelles que soient leurs appartenances. Vous avez des gens qui sont membres de syndicats, d'associations, qui peuvent nous rejoindre aussi sur cette base. Rejoignez-nous. Et rejoignez-nous. Pour montrer le pas qu'il y a et cet élargissement, vous avez vu qu'on a trouvé un sigle, c'est la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et, voilà. Sociale. Et elle a encore vocation à s'élargir, en effet. Vous avez vu que les cadres du PS ruent dans les brancards. Ce matin, on va le voir, la une de Libération, un article de Libération. Jean-Christophe Cambadélis, Mélenchon ne peut unir ni les gauches, ni les Français. Il est favorable à l'Union populaire de tous plutôt que tous derrière l'Union populaire de Mélenchon. Il y a lui, il y a Stéphane Le Foll aussi qui multiplie les prises de parole. Il y a Carole Delga qui est présidente d'Occitanie socialiste, qui a déjà investi des candidats. Ce matin, Dominique Versini qui dit « Je ne serai pas candidate aux législatives dans ce contexte ». Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Écoutez, très franchement, ça n'est pas notre problème. Ce que je veux vous dire, c'est qu'est-ce que évidemment, qu'est-ce que ça dit du Parti Socialiste et de votre OPA, puisqu'on l'appelle comme ça non, sur la gauche? Mais nous, vous savez, il n'y a pas d'OPA, il n'y a ni demande d'hégémonie, ni de dilution, ni d'absorption, quoi que ce soit. C'est pas notre sujet. Quand vous observez ces réactions hostiles d'un certain nombre de, on va dire, des éléphants, tout à des cadres un peu mais historiques elles se font, du Parti Socialiste, elles se font d'abord vous dites, nous, on travaille avec un autre Parti Socialiste que celui-là? Ah bah, écoutez, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que les délégués avec lesquels nous discutons, même si je vous ai dit qu'il y a encore des points de discussion durs, hein, je ne veux pas le cacher ce matin, c'est des délégations qui, vraisemblablement, font partie de ces gens qui n'ont sans doute pas envie de rester pieds et poings liés durablement à l'héritage de François Hollande, à la loi El Khomri et tout le reste, qui peut-être admettent, Elisabeth Martichoux, que la ligne du Parti Socialiste de ces 15 dernières années les a mis sous la ligne de flottaison. Voilà. Je veux dire, encore une fois, à deux élections présidentielles, un programme de rupture clair qui est mis très en avant, loin devant les autres, ça montre que c'est plutôt de ce côté que se joue l'avenir en France et pas du côté d'une social-démocratie qui s'accommoderait avec le système. Venez du côté de l'avenir. Voilà. On entend bien votre appel. Alors, c'est quoi l'objectif de calendrier maintenant ? Écoutez, je pense qu'il faut que ça aille. Maintenant, je pense qu'il faut que ça aille vite. Voilà. Mais on n'a plus tout le temps. Vite, c'est aujourd'hui, je pense. Aujourd'hui, alors. Demain, le 3 grand maximum. Mai 2022. En plus, il y a une symbolique. Voilà. Une symbolique. Là, c'est que le 3 mai, c'est la date anniversaire de la victoire du Front populaire qui a permis beaucoup de succès, les congés payés, tout le reste. Donc aujourd'hui, c'est l'objectif. Je crois. Ferme. Je crois. Aujourd'hui, demain, mais vraiment dans les prochaines heures. Parce que maintenant, bon, voilà, on est sympathique, hein. On a ouvert la discussion très largement. On vérifie les points d'accord. J'ai bien dit que ce que nous voulons faire était ambitieux. C'est plus ambitieux que si on se retrouve autour d'une table en disant, allez, on met nos désaccords sous le tapis. On s'en fiche. On trompera les gens sur la marchandise et puis on s'accorde. Non, c'est pas ça le sujet. Mais oui, maintenant, faut que ça accélère. En toute hypothèse, ce week-end, le samedi 7 mai, nous allons avoir un événement de présentation de nos candidats. On aura l'occasion d'en parler. Donc, il faut qu'on puisse avancer là-dessus. Maintenant, ça a duré, je pense. J'ai quelques questions encore. Je vous demande d'être assez rapide. Ce programme que vous êtes en train de construire, il sera appliqué en cas de majorité à l'Assemblée de l'Union populaire. Mais si ce n'est pas le cas, ce sera un programme aussi législatif. Les différents partis devront suivre ce programme où chacun retrouvera sa liberté de vote. C'est l'idée. L'idée, ça n'est pas de faire un coup opportuniste. Et puis le 19 juin, une fois que tout le monde a ramassé ses députés, hop, on oublie tout ce qu'on s'est dit. C'est pas ça l'idée. C'est pour ça que c'est plus ambitieux qu'un simple accord électoral. Comment ça se matérialisera concrètement ? D'abord, pour celles et ceux qui entrent dans cet accord, on va faire un parlement de campagne qui représentera tout le monde et toutes celles et ceux qui voudront y être. Ensuite, concrètement, comment ça fonctionnera à l'Assemblée ? Je veux le dire, et ça aussi c'est important, y compris pour que ça soit entendu. Ouais. Notre proposition, elle revient en réalité à proposer à tous ces groupes politiques d'avoir un groupe autonome à l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'il y aurait un groupe écologiste, il y aurait un groupe communiste, un groupe socialiste, un groupe insoumis, mais que nous pourrions toutes et tous nous retrouver dans le cadre de ce qu'on va appeler un intergroupe parlementaire. Si nous sommes majoritaires, il s'agira de soutenir la politique du gouvernement. Si nous sommes dans l'opposition, ce que je ne souhaite pas, parce que j'aimerais qu'on soit majoritaire, vous l'avez compris, eh bien de conduire en effet l'opposition à Emmanuel Macron. Alors, j'espère que je ne serai pas traité de hyène pour vous avoir posé une question sur Taha Bouaf, comme ce fut le cas la semaine dernière d'un de mes confrères face à Alexis Corbière. La semaine dernière, interrogé sur l'investiture, je crois, dans le Rhône, à Vénissieux, de Taha Bouaf, un journaliste, vous aviez dit ne pas connaître son pédigré, en dehors du fait qu'il était un journaliste talentueux. Je connais Taha Bouaf, je ne connaissais pas le détail des affaires. Oui, bien sûr. Et je sais que notamment Taha Bouaf a fait appel de cette décision de justice. Et je veux dire. Une décision de justice, rappelez-nous la nature de la condamnation. Dites-moi le titre exact parce que je risquerais de faire une erreur. Bon, incitation à la haine. Bon. En tout cas, pourquoi il avait été condamné ? Vous avez regardé aussi ? Parce qu'il avait fait un tweet regrettable, je le dis, où il avait qualifié une policière d'arabe de service, c'est-à-dire, voilà. Mais je veux dire, je pourrais prendre un exemple qui m'est revenu. Alors, c'était Linda Kebab, qu'on reçoit régulièrement, hein, c'est un porte-parole de la police, qu'il avait traité d'arabe de service, oui. Il a été condamné. Ma question, c'est, est-ce que ça ne vous gêne pas ? Est-ce que c'est digne de figurer sur une liste de la France vous répondre. Insoumise. Je crois que cette expression est malheureuse, de la même manière que, par exemple, quand Yannick Jadot, pendant la campagne présidentielle, avait qualifié Éric Zemmour de juif de service. Je crois que le débat politique peut se passer de ce genre de qualification. Je pourrais vous dire que... Il a été condamné. Oui, et il a fait appel. Et il a fait appel. Non, mais laissez-moi vous répondre. Condamné. Ok, bon. Donc, en fait, je vous réponds pas. Non. Vous faites le procès de Taha Bouaf, on peut pas discuter. Laissez-moi vous répondre. Non, Il a été condamné, il fait appel. Madame Martichoux, je pourrais vous dire, mais vous n'êtes plus Charlie. Parce que vous vous souvenez qu'à la fin des années 90, à Charlie Hebdo, je crois que c'est Cabu qui avait parlé également d'arabe de service à propos d'une élue du Front National. Donc si vous voulez, on peut s'envoyer comme ça des petites phrases qui ont été envoyées sur Twitter il y a quelques années. La vérité, c'est quoi ? Non mais la clarification, elle est là. Taha Bouaf, écoutez-moi. Taha Bouaf n'est pas. Écoutez-moi. Ne m'engueulez pas. Vous posez pas. Des questions. Ben laissez-moi vous répondre. Alors allez-y. Ou alors sinon vous le faites. Vous faites son procès. Ben, ne différez pas. Alors, répondez donc, sur Taha Bouaf. Taha Bouaf n'est pas raciste. D'accord. Taha Bouaf est un militant antiraciste. Taha Bouaf est un militant des quartiers populaires, dont peut-être la forme et le mode d'expression ne plaît pas à certaines belles personnes qui se charge, dès lors que des gens des quartiers populaires peuvent être en capacité de faire de la politique, de faire ce qu'il faut pour essayer de les contrer. En attendant, t'as Abou Aaf, vous pourriez le dire aussi, c'est à lui qu'on doit, mais par exemple, la révélation pas, de l'affaire Benalla. Mais écoutez-moi, charge. Je ne renverse pas la charge. Laissez-moi poser des questions, ne renversez pas mais la laissez-moi charge. Laissez-moi vous répondre. Vous dites ce sont des racistes qui épinglent t'as Abou Aaf. C'est du racisme. J'ai dit parce ça que, je vous ai parlé. D'une certaine façon, puisque non, vous mettez non, en avant. Là, vous me faites dire des choses que je n'ai pas dit. Alors, laissez-moi donc, parler. Posez-moi des questions, je vous réponds, mais quand je vous réponds, écoutez mes réponses. Jean-Luc Mélenchon. Oui. A toujours été, à juste titre, oui, mais droit debout sur l'inéligibilité nécessaire pour toute personne dans le personnel politique qui serait condamnée. À ce stade, il fait appel, mais oui, il est condamné. Et pour, vous devriez attendre, compte tenu de ce principe, que l'appel ait eu lieu pour l'investir ou pour lui donner une responsabilité électorale. Puisqu'il fait appel, si... S'il est débouté, ah oui, alors, non, mais... après, si c'est confirmé, il devra rendre son mandat, il aura été élu. Éliott Martichoux, entendez-moi, je ne supporte ça, pas... Ça ne vous gêne pas qu'il insulte les policiers? Ça vous gêne que je vous réponde ou pas? Non, je vous c'est ai... vous qui êtes gêné de me répondre, c'est autre bon. Chose. Vous voulez que je vous réponde ou vous ne le voulez pas? Allez-y. Je redis que cette expression Allez-y. Était malheureuse, je crois qu'il l'a lui-même reconnue. Je vous redis Allez-y. Que dans le débat politique... Non, mais laisse-moi parler, Madame Martichoux. Vous n'avez pas fait le même procès à d'autres quand ils ont utilisé les mêmes expressions malheureuses. Je vous redis, écoutez-moi, que on peut faire l'économie de ce genre de phrases dans le débat politique, c'est une évidence et que c'est regrettable. Pour autant, je vois et je dis qu'il y a une cabale montée, notamment contre Taha Abou Aaf, parce que c'est un militant politique à qui nous devons, par exemple, laissez-moi le dire, l'alerte sur ce qui avait été fait par Alexandre Benalla, place de la Contrescarpe, c'est lui qui a filmé les images. Taha Abou Aaf, à de multiples reprises, a été un lanceur d'alerte et que sa parole gêne beaucoup. Et oui, peut-être, c'est un militant dont la parole n'est pas calibrée comme celles et ceux qui sont nos adversaires souhaiteraient qu'elle le soit. Mais pour autant, c'est un honneur aussi d'avoir des militants des quartiers populaires qui viennent participer aux élections. Il avait aussi propagé une fausse rumeur selon laquelle un étudiant, vous vous rappelez, était mort sous les coups de la police en 2018. Madame pour sa défense, pour sa défense, laissez-moi finir, même pour sa défense, il avait dit « Je n'étais pas encore journaliste, je ne pensais pas que j'allais le devenir, sous-entendu, je pouvais accuser oui, oui. sans preuve. » Ça fait beaucoup quand même. Moi, ce que je peux dire... Ça fait beaucoup. Moi, ce et que par je ailleurs, peux dire, c'est une c'est condamnation. Que le seuil de tolérance est quand même pas le même selon qu'on parle de militants des quartiers populaires et donc des gens qui s'appellent Taha Abou Aaf. Vous sous-entendez quoi? Des ministres qui ont des affaires, des accusations derrière eux. Vous sous-entendez quoi? Je sous-entends, et je le dis d'ailleurs, je ne sous-entends pas, je dis, j'affirme que quand on s'appelle Taha Abou Aaf et qu'on dit des choses qui dérangent, eh bien, le seuil de tolérance est beaucoup plus faible que quand on s'appelle, je sais pas, des ministres qu'on connaît. Pourquoi? Bah écoutez, parce que visiblement, je le dis, quand on est militant des quartiers populaires, eh ben certains considèrent qu'on n'a pas le droit de citer dans la vie politique. Ce n'est pas notre avis. Voilà. Après, si vous voulez qu'on passe 10 minutes d'interview politique à exhumer les tweets anciens de certains membres de la majorité, etc., vous allez en trouver des belles casseroles aussi. Voilà. Personne n'est parfait, Élisabeth Martichoux. Non, mais ne faites pas le procès aux journalistes de, entre guillemets, s'acharner sur un profil. On le fait à chaque fois qu'une personne est condamnée. Vous n'aurez pas le mot de la fin avec moi sur ce sujet. Ce que je vous dis, c'est que oui, le seuil de tolérance n'est pas le même selon qu'on s'appelle Taha Abou Aaf ou qu'on s'appelle autrement. C'est très clair. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci à vous, Adrien Quatennens. Les enseignements du résultat de la présidentielle, les négociations à gauche pour des candidatures communes aux législatives et les reportages d'Emma Barrier, Antoinette Chéteau et Laetitia Lallement avec les partisans d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C'est le sommaire du numéro 28 de la guerre du trône. Comment ne pas être amer au lendemain de cette présidentielle ? Comment ne pas se sentir dépossédé d'un vrai débat républicain ? Le piège installé par Emmanuel Macron depuis 5 ans a fonctionné. Il voulait se retrouver en tête à tête avec Marine Le Pen et sommer les Français de choisir entre lui et l'extrême droite. Il y est parvenu. À droite comme à gauche, chacun était averti de la manœuvre. Et le plus incroyable, c'est qu'elle a réussi. Certes, Emmanuel Macron recule de 7,5 points par rapport à 2017. Il recueille 58,55% des suffrages exprimés. Mais il y a eu des présidents moins bien élus dans l'histoire de la Ve République, même en tenant compte de l'abstention record, 28%, qui a accompagné ce second tour. Par exemple, Georges Pompidou. Au premier tour, Emmanuel Macron n'a rassemblé que 27,84% des suffrages. Ce qui veut dire que parmi les 30% d'électeurs qui se sont reportés sur lui au second tour, nombreux sont ceux qui ont simplement voulu barrer la route à l'extrême droite. Pour le président sortant, voter pour lui, c'est adhérer à son projet. Il l'a dit hier soir. Vous avez fait le choix d'un projet humaniste, ambitieux pour l'indépendance de notre pays, pour notre Europe. Un projet républicain dans ses valeurs. Un projet social et écologique. Un projet fondé sur le travail et la création. Un projet de libération de nos forces académiques, culturelles, entrepreneuriales. Un projet de libération, c'est-à-dire le projet néolibéral de destruction du pacte républicain. C'est le hold-up du siècle. Voilà que tous ceux qui ont voulu bloquer l'extrême droite se retrouvent caution d'un projet politique qui n'est pas le leur. Emmanuel Macron est réélu, mais l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Hier, Marine Le Pen a recueilli 13 297 000 voix, soit environ 2 600 000 voix de plus qu'en 2017. Elle arrive en tête dans 206 circonscriptions législatives. Du coup, bien que ce soit son troisième échec à l'élection présidentielle, la candidate du RN ne jette pas l'éponge. Je crains ce soir que le quinquennat qui s'ouvre ne rompra pas avec les pratiques méprisantes et brutales du précédent et qu'Emmanuel Macron ne fera rien pour réparer les fractures qui divisent notre pays et font souffrir nos compatriotes. Alors oui, pour éviter cet accaparement des pouvoirs par quelques-uns, plus que jamais, je poursuivrai mon engagement pour la France et les Français avec l'énergie, la persévérance et l'affection que vous me connaissez. Au second tour, Marine Le Pen a rassemblé à droite. Les électeurs d'Éric Zemmour et de Nicolas Dupont-Aignan ont répondu présent, comme à l'évidence une partie de l'électorat des Républicains. Éric Ciotti, rival malheureux de Valérie Pécresse lors de la primaire de ce parti, ne cachait pas qu'il ne voterait jamais Macron. Mais Marine Le Pen a aussi mordu à gauche, chez ceux que Jean-Luc Mélenchon appelle, à juste raison, les fâchés pas fachos, ceux qui en ont marre d'attendre que les choses changent, quitte à choisir le pire. C'est bien là le problème de la gauche. Au fil des ans, une partie de celle-ci a abandonné la lutte des classes. Un gros mot aujourd'hui. Pire, un archaïsme. Moi, j'aime bien les dinosaures. Oui, la gauche a cessé d'incarner le camp du travail contre le capital. On est passé d'une gauche de rupture à une gauche d'accompagnement. Une gauche dont l'utilité a fini par disparaître. Délaissés, méprisés, montrés du doigt, ouvriers et employés se sont progressivement tournés vers le Rassemblement national, au point que celui-ci exprime aujourd'hui majoritairement leur vote. Voilà pourquoi la gauche est absente du second tour. Jean-Luc Mélenchon a sans doute mené la meilleure campagne de sa vie politique, avec un solide programme de transition démocratique. Mais à l'arrivée, il manquait quand même 420 000 voix. On ne rattrape pas un naufrage collectif en quelques mois de campagne. On dira, c'est la faute à la division, aux communistes, aux socialistes. Mais dans l'histoire de la gauche, il n'y a jamais eu de candidat unique au premier tour. Même François Mitterrand, en 1981, a dû affronter la concurrence du Parti communiste, autrement plus puissant qu'aujourd'hui. Dans 2 mois se déroulera le premier tour des élections législatives. Jean-Luc Mélenchon a demandé aux Français de l'élire Premier ministre, autrement dit de faire entrer à l'Assemblée nationale une majorité de députés de gauche. Ce n'est pas gagné. Pour avoir la majorité à l'Assemblée, il faut disposer de 289 députés. Au premier tour, Jean-Luc Mélenchon était en tête dans 104 circonscriptions législatives. Dans 21 de celles-ci, il dépassait les 50% de voix. Il y a donc du pain sur la planche. Mais l'ampleur de la tâche n'effraie pas le candidat de l'Union populaire. Il l'a redit jeudi dernier lors d'une conférence. Notre objectif est d'arriver à ce que nous soyons la prochaine majorité. On me dit, est-ce que c'est possible ? Ou même certains disent, ah, c'est impossible, mais on s'en fout, nous. La dernière fois aussi, vous nous avez dit que c'était impossible. Dois-je vous rappeler que jusqu'au mois de janvier, il y avait des gens qui militaient sans arrêt, nuit et jour, pour dire tout est perdu, puisque la gauche est désunie. Caramba, et on se frappait le cœur. Et l'on jetait de grosses larmes. Hein ? Tout était perdu, puisqu'on était désunis. C'est le contraire. Tout a été emporté, parce qu'on a su maintenir une orientation claire et être groupé. Les candidatures doivent être déposées au plus tard le 20 mai. Ce qui laisse 3 semaines pour négocier un accord. Socialistes, écologistes et communistes s'y disent prêts. Mélenchon propose que le rassemblement se fasse autour de l'avenir en commun et sous la bannière de l'Union populaire. En l'état, il s'agit donc d'un ralliement plutôt que d'une coalition. Il n'est pas certain que ce soit du goût de tout le monde. D'autant que le chef des Insoumis propose que l'on répartisse les 577 circonscriptions à pourvoir en fonction des résultats obtenus au premier tour de la présidentielle. Ce qui reviendrait à priver le PS et le PC d'un groupe parlementaire. Enfin, il y a la question de l'argent. Les partis politiques vivent des cotisations de leurs adhérents et du financement public. Il faut ainsi obtenir au moins 1% des voix dans 50 circonscriptions pour recevoir un financement public. Chaque voix rapporte 1,42 euros. Si les uns et les autres renoncent à se présenter dans telle ou telle circonscription au profit d'une candidature commune, ils prennent le risque d'être privés de cette ressource financière. Autre problème, un député rapporte 37 000 euros par an à son parti. Il faut donc que chaque député de la coalition électorale ait la certitude de pouvoir se rattacher à son parti d'origine. C'est vital pour le PS et les Verts, qui ont fait moins de 5% au premier tour et qui ne seront pas remboursés de leurs frais de campagne. Vendredi, en visite au Salon du Livre, Jean-Luc Mélenchon assurait que les discussions avançaient. Bon, je pense que tout le monde comprend qu'il faut faire autrement autre chose que ce qu'on a fait dans le passé. Donc ça avance plutôt bien. J'espère que ça avance beaucoup plus vite dans les jours qui viennent, mais oui, ça va, c'est une discussion qui est respectueuse, tout le monde a baissé d'un ou deux tons. J'ai lu des tas de choses qui n'ont aucun rapport, on n'a demandé à personne de faire pénitence ou contrition, c'est pas vrai, on a juste dit, si on s'amène pour un troisième tour en continuant à s'engueuler, ça va pas le faire, quoi. Peut-être que vous aussi, vous avez baissé le ton aussi, peut-être que tout le monde a baissé le ton. Mais moi, j'ai toujours été bon, gentil et aimable. C'est à la suite d'un malentendu qu'on a compris le contraire. Dans l'entourage du candidat, on affirme se donner jusqu'à la fin de la semaine pour arriver à un accord. Sinon, l'Union populaire fera cavalier seul. Ce qui est certain, c'est qu'alors, tout le monde y perdrait. Dimanche soir, les Français avaient le choix entre deux candidats, deux visions pour la France et deux soirées électorales différentes. Emmanuel Macron a retenu le Champ de Mars au pied de la Tour Eiffel et c'est dans un pavillon au Bois de Boulogne que les partisans du Rassemblement National se sont donné rendez-vous. Mais l'accès était plus compliqué. Vous avez déjà fait le coup la dernière fois. Il restait 50 badges dans les mains de vos collaborateurs au premier tour aussi. Vous n'étiez pas là au premier tour déjà, c'est ça ? Vous êtes combien ? Pour aller rentrer. J'y croyais plus, je suis super contente. À une demi-heure des résultats, on est prudent, mais on y croit. Évidemment, il y a beaucoup de suspense. Bien entendu, nous espérons que la victoire est acquise et dans le pire des cas, que l'écart sera minime entre les deux candidats. Comme on dit souvent, comme dit même Marine, au premier tour on choisit, au deuxième tour on élimine. Donc j'espère que les Français auront éliminé le bon candidat. J'y crois, j'ai milité, on a milité dans toute la France. On a fait 5000 marchés, on a collé des affiches, on a tracté, on a rencontré des Français. Et donc on a plein d'espoir ce soir. Donc on espère que les résultats seront en notre faveur. Sur le Champ de Mars, la team ambiance est de sortie. À 20h, les résultats tombent. Chez Marine Le Pen, on oscille entre déception et fierté d'avoir réalisé un score historique de 41,5%. Je suis assez triste que les Français aient fait ce choix-là. Bien sûr, c'est une déception dans le sens qu'on espérait tous la victoire. Mais quand on voit depuis 15 jours la campagne de désinformation, voire de haine qu'a subi Marine Le Pen et le Rassemblement National, voilà, c'est un score honorable. Personnellement, rien n'a manqué à Marine. Je pense que moi, je ne crois pas à ce résultat. Chez Emmanuel Macron, c'est la joie d'avoir gagné. On a quand même des résultats qui sont vraiment sont plutôt bons par rapport à ce que les sondeurs nous avaient donné comme anticipé. Donc 58-2, c'est quand même un super score par rapport à ça. Donc forcément, après, on est un peu déçus parce que l'extrême droite est quand même à un niveau assez élevé. Et donc, il va falloir continuer à se battre pour lutter contre ces idées-là pour les échéances à venir. Chacun des candidats vient saluer ses troupes. La soirée se termine sur deux Marseillaises très différentes. Et tout le monde a désormais le regard braqué sur les législatives de juin. Si vous avez aimé cette chronique, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche. Vous pouvez également vous abonner sur notre site blast-info.fr et faire des dons. N'oubliez pas, votre soutien financier est le garant de notre indépendance éditoriale. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Guerre du Trône. Son vieux par-dessus râpé, il s'en mêle à l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux. Mon vieux, il y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner, comme on peut. Mon vieux, l'été, on allait voir la mer. Tu vois, c'était pas la misère. C'était pas non plus le paradis. Et ouais, tant pis. Dans son vieux par-dessus râpé, il a pris pendant des années le même autobus de banlieue, mon vieux. Le soir, en rentrant du boulot, il s'asseyait sans dire un mot. Il était du genre silencieux, mon vieux. Les dimanches étaient monotone. On ne recevait jamais personne. Ça ne le rendait pas malheureux, je crois, mon vieux. Dans son vieux par-dessus râpé, les jours de paye quand il rentrait, on l'entendait gueuler un peu, mon vieux. Nous, on connaissait la chanson, tout y passait, bourgeois, patron, la gauche, la droite, même le bon Dieu, avec mon vieux. Chez nous, il n'y avait pas la télé. C'est dehors que j'allais chercher, pendant quelques heures, l'évasion. Je sais, c'est con. Dire que j'ai passé des années à côté de lui sans le regarder. On a à peine ouvert les yeux, nous deux. J'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin. Ça l'aurait peut-être rendu heureux, mon vieux. Même quand on a juste 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour y loger toutes ces choses-là. Tu vois, maintenant qu'il est loin d'ici, en pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi. Papa. Et vous revenez, Clément Viktorovitch, sur les négociations en cours entre la France Insoumise et le Parti Socialiste en vue des législatives. Discussion initialement mal engagée, mais qui, depuis quelques jours, semble se rapprocher d'un accord. C'est précisément ce moment qu'a choisi François Hollande pour prendre la parole. Et selon vous, il donne une véritable leçon dans l'art de faire échouer une négociation. L'ancien président de la République n'accepte manifestement pas l'idée que son parti puisse signer un accord électoral sous la bannière de l'Union Populaire. Et en effet, il a décidé de le faire savoir ce matin sur France Info. Il s'est explicitement opposé à cette discussion qui équivaudrait, selon lui, à une disparition du Parti Socialiste. Quant aux raisons de son refus, elles sont explicites. S'il n'y a pas une renaissance des partis politiques qui représentaient jusqu'à présent l'essentiel de l'échiquier politique, eh bien, en 2027, vous aurez toujours Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon candidat, et un candidat du Bloc central qui dira, vous voyez, on ne peut prendre ni l'un ni l'autre, donc vous n'avez pas le choix. Voilà la prédiction de François Hollande. Le Bloc central, lire le Bloc macroniste, sera immanquablement réélu, à moins que les partis traditionnels, au premier rang desquels le Parti socialiste, ne réémergent comme de grandes forces politiques. C'est pourquoi François Hollande refuse tout accord derrière la France insoumise. Bon, c'est évidemment un argument discutable. En vertu de quoi l'Union populaire, ou d'ailleurs le Rassemblement national, ne serait-il pas en mesure de gagner une élection? Par quel raisonnement le Parti Socialiste, fort tout de même de ses 1,5%, pourrait-il apparaître aujourd'hui comme la principale force d'alternance? Voilà les questions auxquelles il faudrait répondre. Or, François Hollande ne s'y confronte pas un seul instant. Il commet ce que l'on appelle en rhétorique une pétition de principe, un raisonnement fallacieux qui consiste à prendre comme point de départ de son raisonnement la conclusion qui aurait précisément dû faire l'objet d'une démonstration. Il n'étaye pas son raisonnement? Alors si, mais vous allez voir que ça n'est pas beaucoup plus rigoureux. Imaginons, le Parti Socialiste disparaît. Mais quelle serait donc l'alternative? À gauche, ça serait de prendre la gauche radicale avec un programme dont on sait parfaitement qu'il n'est pas crédible. Ça veut dire que le prochain gouvernement serait dans l'idée de faire une retraite à 60 ans. Tout le monde sait que c'est impossible financièrement. Ça voudrait dire aussi qu'on mettrait la 6e République quand chacun sait que même si on a une majorité à l'Assemblée nationale, il n'est pas possible de changer la Constitution. Alors ici, il y a des mots importants et on ne les voit pas forcément passer. Changer la Constitution pour faire la 6e République, chacun sait que c'est impossible. La retraite à 60 ans, tout le monde sait que c'est inenvisageable. Le programme de la France insoumise, on sait parfaitement qu'il n'est pas crédible. On sait, chacun sait, tout le monde sait. Ce sont des mots qui ont un sens. Ces locutions introduisent un type d'argument bien particulier, des appels au bon sens. Chacune de ces phrases serait tellement évidente qu'elle n'aurait même pas besoin d'être argumentée, ce qui est bien sûr totalement fallacieux. On peut être opposé aux propositions avancées par Jean-Luc Mélenchon, on peut penser qu'elles ne sont pas pertinentes, mais affirmer qu'elles ne seraient pas crédibles, voilà qui demanderait normalement un peu plus que trois phrases lapidaires. D'un bout à l'autre de l'interview, François Hollande part donc au fond du principe que la France insoumise serait illégitime à porter les espoirs des électeurs de gauche sans jamais l'étayer d'un argument et en omettant le score humiliant du Parti Socialiste le 10 avril dernier. Est-ce qu'il l'explique ce score? Alors oui, et en tout cas une chose est sûre, c'est que ça n'est pas de sa faute. Je ne suis plus président depuis 5 ans, est-ce que je dois rappeler les dates? Donc j'ai

Il y aura donc des listes communes, LFI, écologistes, communistes et socialistes. Tous se présenteront sous la bannière de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. On dit quoi? On dit NUPS? On dit ce qu'on veut. Moi, je dis la nouvelle Union populaire parce que c'est plus bref, mais le titre dont on est convenu, c'est écologique et social. Bon, alors mais vous dites comme vous voulez, ne vous sentez pas gêné. C'est quoi? C'est la gauche plurielle? C'est le programme commun? C'est soit Soumis et Marche, c'est Mélenchon devant et tous les autres derrière? C'est quoi cette alliance? Non, c'est d'abord un réflexe de rassemblement face à un épisode annoncé de maltraitance sociale aggravée. 20 heures de travail par semaine forcées pour les RSA, la retraite à 65 ans, j'en passe. Donc, si vous voulez, nous eussions été totalement en dessous de la main si on avait simplement continué les cortèges habituels. Donc, nous nous sommes rassemblés, c'est un accord électoral, évidemment. Une mais qui est destinée à durer ou pas? C'est une alliance pérenne oui, ou pas? C'est ce qu'on veut faire tous. Ouais. Parce que si vous voulez, la bonne nouvelle, c'est que quand on a commencé à discuter, on s'est aperçu que les uns et les autres n'étions pas conformes à la caricature que nous avions les uns que des autres. Que vous alimentiez les uns les autres, d'ailleurs. Oui. Alors, on s'est aperçu, par exemple, que sur l'Europe, on était tous d'accord pour dire il n'est pas question, dans une mandature comme celle-ci et dans le contexte actuel, de sortir de l'Europe ou de l'euro. C'est pas ça le sujet. Par contre, si on prend un engagement devant les Français sur un programme, on l'applique. On a regardé avec sérieux. Le programme entre en contradiction avec des traités européens. Sur les points qui concernent le programme, nous appliquerons le programme que les Français ont décidé. C'est là que vous désobéissez, comme vous dites. Alors, voilà, alors après, peu importe comment on appelle ça, les uns disent désobéissant, les autres moratoires, on s'en fiche. Ouais. Ce qui compte, c'est que la parole du peuple français sera respectée. Bon, l'Europe, c'est vraiment un des sujets qui fâche un peu certains de vos alliés. Parmi vos soutiens qui se pincent un peu le nez, il y a Place Publique, qui dit oui à cette alliance, malgré, et je les cite, des divergences immenses sur des sujets plus que fondamentaux. Et son leader, Raphaël Glucksmann, a même écrit « Je ne vais pas chanter Mélenchon, Premier ministre, tous les matins ». Est-ce que vous ne dites pas qu'il y a un problème d'engagement, de sincérité? Est-ce que vous êtes prêt à monter au front avec des alliés comme ça? Évidemment, il faut toujours faire le pari de la sincérité. Regardez. Nous avons eu très peu de temps. Pourquoi? Parce que dans les autres pays d'Europe, ils font leurs élections législatives, puis après ils cherchent une coalition. Et ça leur prend du temps, 8 mois. Nous, c'est derrière l'élection présidentielle à toute vitesse. Donc il a fallu régler en 13 jours ce qui était des sources de conflits depuis 10 ans. Et puis être prêt à temps, parce que je rappelle que c'est pas un congrès qu'on est en train de faire, on est en train de se préparer à gouverner le pays. Et avec des décisions qui sont importantes, hein, où il va falloir faire des changements de cap sensibles. On pourra venir sur certaines décisions. Mais non, attendez, j'en prends une ou deux qui viennent, ouais. Où j'ai l'impression qu'il y a un laisser-aller complet de la part du pouvoir actuel. Nous entrons dans une période de grave sécheresse. Des dizaines de communes vont être en panne d'eau très bientôt. Bon, qu'est-ce qu'il y a de prévu? Rien. On nous dit que toutes les rivières de France sont polluées au glyphosate. Que va-t-on faire? Rien. Mmh. Les spécialistes de la santé disent... les zoonoses, vous savez, qui déclenchent les pandémies, il va y en avoir plein. Bon, bah donc, il faudrait peut-être arrêter les fermes usines. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne à ce qui a été signé par les uns et par les autres. Mais, trois documents tout ce différents. Que je viens de vous dire est dans la signature. D'accord. La fermeture des fermes usines et la lutte contre le glyphosate et son interdiction. SMIC à 1400 euros. Oui. C'est immédiatement ou c'est pas immédiatement? Ah ben, c'est immédiat. C'est pas écrit pareil dans l'accord avec les socialistes et l'accord avec les communistes? Ne vous inquiétez pas. C'est immédiat. Évidemment, d'accord. Sinon ça n'a pas de sens. C'est par décret. Mais je vais aller plus loin, monsieur Soto, parce que je préfère que tout le monde comprenne bien ce qu'on va faire. Il y a eu une petite augmentation du SMIC qui vient d'avoir lieu. Ouais. C'est déjà assez rare pour qu'on le remarque, mais ça a eu lieu. Résultat, 85% des salaires minimums dans les branches, hein, par activité, ouais. sont en dessous du SMIC. Alors, je préviens tout le monde, si je suis Premier ministre, tout le monde est convoqué pour refaire la conférence annuelle obligatoire qui est actuellement dans la loi, la refaire pour mettre tous les minimums au niveau du SMIC, c'est-à-dire appliquer la loi, c'est quand même le minimum, mais du coup, discuter les autres salaires. J'ai une pourquoi autre question. J'ai une autre question. Oui, mais attendez, les gens sont pris à la gorge. Oui. Aujourd'hui, la retraite. Vous le savez. La oui. retraite, donc ce qui est écrit, c'est la retraite à 60 ans, on est d'accord. C'est combien d'annuités? Ben 40, c'est écrit. 40 annuités oui. pour tout le monde. Ça fait beaucoup. Hein. Et tout le monde a le droit à la retraite à 60 ans. Mais oui, moi j'ai connu une période où c'était 37 années et demie. Hein. Donc vous voyez, c'est 40, c'est déjà beaucoup. Mais donc ceux qui commenceront à travailler à 23 ans partiront à 63 ans, par exemple. Ceux qui partiront, oui, mais il n'y aura pas de décote. Il n'y aura pas de décote. C'est-à-dire vous pouvez partir et vous avez votre retraite. Mais je voudrais quand même que... Attendez, vous allez voir. Ouais. Ce que je propose, tout le monde a compris. On va me refaire le truc, ça va ruiner la France, etc. Mais je suis stupéfait de voir que personne ne demande à M. Macron pourquoi il fait la retraite à 65 ans alors que ça va coûter, c'est le corps qui le dit, 4,5 milliards en assurance chômage Et ils disent que vous, ça coûtera 10 milliards. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas Monsieur Macron, c'est Monsieur Mélenchon ce soir. Oui, vous dites c'est lui qui a le pouvoir. Donc, pour l'instant. Vous dites qu'il n'y a pas de décote. Dans deux mois, promis, je répondrai de mes propres actes comme Premier ministre. Mais là, pour vous devez déjà répondre de vos promesses. Vous dites pas de décote. On est d'accord. Oui. Ok. Donc, si on part, on a commencé à 23 ans, on part à 60 ans, on n'a pas de décote. Voilà. Bah, donc, ça veut dire qu'il n'y a pas 40 ans d'annuité. Eh ben, vous avez tout compris, il n'y a pas de décote. D'accord. Vous rêvez en premier ministre de cohabitation, c'est même lisible sur vos affiches. Hein, oui. Vos affiches de je ne rêve pas, hein, je vous rassure. Hein. Vous souhaitez être. Bah ouais. Et je le demande au peuple français. C'est pas quoi l'objectif du nombre de députés? Eh bien, pour ça, il faut avoir 290 députés pour être un petit peu à l'aise. 287, c'est indispensable. Enfin, il faut une majorité de députés. Si les Français élisent une majorité de députés de l'Union populaire, il y aura un gouvernement de l'Union populaire. Et la tradition, c'est que le président de la République choisit celui qui a été proposé par l'ensemble des forces politiques. Et dans cette alliance, personne ne remet en cause le fait que ça sera vous si c'est la nouvelle union qui arrive en tête. Christian Jacob, lui, il vous voit pas en Premier ministre, il vous met un autre costume, écoutez-le. Jean-Luc Mélenchon est dans le même rôle qui était celui de Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Emmanuel Macron avait besoin de quelqu'un pour jouer l'idiot utile. C'est ce que Marine Le Pen, à ses dépens d'ailleurs, a fait au moment des présidentielles. Et là, il a fait la même chose avec Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ça ne va pas faire le jeu d'Emmanuel Macron? Une gauche qui se radicalise, ça met tous les modérés centre-gauche et centre-droit? Oui, oui. Enfin, déjà, ça m'amuse, je connais bien Monsieur Jacob, qui est un éminent parlementaire, ça m'amuse de le voir citer une expression de Staline à mon sujet. L'idiot utile, ça me fait frissonner de peur, vous l'avez bien compris. Non, je pense que c'est pas sérieux. Il y a une opposition, il y a une majorité. Si vous ne voulez pas d'élection, dites-le. On n'organise pas d'élection. Mais s'il y a une élection, alors il est normal que des opposants comme nous, qui représentons le tiers, puisque vous avez le tiers populaire, le tiers macroniste et le tiers d'extrême droite, que nous soyons candidats au pouvoir tels que nous sommes. Et est-ce que notre programme est radical? Ben oui, il va à la racine des choses. Quand je vous dis que je vais fermer les fermes-usines, oui, c'est une décision radicale. Mais je vous demande à vous si vous préférez quoi, la fermeture des fermes-usines ou tomber malade à nouveau? Bon, voilà, je pense que les Français doivent s'intéresser au contenu du programme. C'est pour ça, quand vous m'avez posé votre première question, vous m'avez dit, est-ce que c'est la gauche plurielle, etc. Non, c'est autre chose. Il n'y aura qu'un seul groupe à l'Assemblée? Alors non. Ou chacun dans sa chambre le 20 juin? Non, il faut que chacun ait son groupe, sinon ça ne marchera pas. D'accord. On a vu ce que ça a donné chez les macronistes, ils sont 300, là c'est un machin ectoplasmique. Donc là, nous aurons chacun un groupe et nous aurons un intergroupe. De même que nous aurons un parlement politique commun en dehors de la structure institutionnelle. Donc c'est ça qui est nouveau. Si vous voulez, ça fait pas de moi une espèce d'arbitre suprême des partis politiques. Est-ce que vous serez candidat aux législatives? Vous êtes député sans Marseille? C'est pas nécessaire. Donc vous ne le serez pas? Vraisemblablement. Je vais vous dire pourquoi. 6 premiers ministres sur 24 sous la 5e République ne l'était pas. Et d'ailleurs, le dernier, Monsieur Castex. Alors, Monsieur Castex, il avait une légitimité populaire, puisqu'il est maire de Prades, il avait eu 1000 voix pour ça. Moi, j'en ai eu 7 700 000 il y a tantôt un mois. Bon, on peut penser que j'ai une légitimité populaire suffisante pour pouvoir dignement représenter le pays. Merci Jean-Luc Mélenchon d'être venu dans le 20h. La police... Ah ben oui, c'était le premier jaillissement pour vous. Absolument. La police s'est annoncée tout à l'heure. Moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar, mientras quieren milicianos, los moros no pasarán, mientras quieren milicianos, los moros no pasarán, no pasarán, no pasarán. Que me tiré en el puente y también la pasarela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. No pasarán, no pasarán. Mil veces que los tiren, 10,000 veces los haremos, tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingeniero. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingeniero. No pasarán, no pasarán. En el Ebro se han hundido las banderas italianas. En los puentes solo quedan las que son republicanas. Y en los puentes solo quedan las que son republicanas. No pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán. Les médias, vous en pensez quoi? Les médias officiels forment ce que j'appelle le quatrième pouvoir de l'oligarchie. C'est-à-dire que vous avez l'oligarchie en quatre pouvoirs. Le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir administratif et judiciaire et le pouvoir médiatique. Aujourd'hui, vous avez des médias qui ont été rachetés par des milliardaires. Vous imaginez bien que dès lors que des médias appartiennent à des milliardaires, leur ligne idéologique et politique sera forcément défendre les intérêts de ceux qui les possèdent. Donc ces gens-là... Donc ces gens ne sont pas indépendants. Ils ne sont pas indépendants. Parce que dès lors qu'un journaliste ose me dire qu'il est indépendant, alors qu'il est salarié privé en CDI, vous imaginez bien que, imaginez sur BFM, vous aurez un journaliste qui dirait, bah écoutez, je trouve qu'il y a des vertus, je sais pas moi, dans le communisme. Vous croyez qu'il va continuer à présenter son journal? Non. Parce qu'il va à l'encontre de la ligne idéologique de celui qui possède le journal. Donc quand les journalistes disent qu'ils sont indépendants, ce n'est pas vrai, ils ne sont pas indépendants. La preuve en est, dans le traitement médiatique, on voit bien que systématiquement, là, regardez, on est en plein délire. Imaginez Kim Jong-un qui ferait des discours pendant 7-8 heures, qu'est-ce qu'on dirait pas? On dirait, bah, c'est la Corée du Nord, on est dans une dictature. En France, on a un président qui monopolise les médias, qui est retransmis en direct pendant 7 heures et on ne trouve rien à redire. Et surtout, on nous dit que c'est un débat national. Mais monsieur, vous savez ce que veut dire le mot débat? Débat, vous et moi, nous débattons. Dialoguer. Et c'est un débat contradictoire. Mais lorsque vous avez des gens qui posent des questions et que le président y répond, c'est une conférence. Parce que si vous enlevez le public... Donc du coup, les médias sont complices de ça. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Il n'y a qu'à voir la ligne des éditorialistes. Lorsque, par exemple, ils disent... Vous pensez à qui spécialement, à peu près? Quel journaliste spécialement? Je parle à Jean-Michel Apathy. Vous prenez par exemple Yves Calvi. Regardez Yves Calvi ce qu'il fait sur CNews. Lorsqu'il se permet de dénigrer les gilets jaunes. Est-ce qu'il est dans son rôle de journaliste? Je reçois quotidiennement des courriers de mamans qui élèvent deux enfants toutes seules, qui gagnent 1350 euros par mois et qui voudraient pouvoir faire leurs courses normalement le samedi, mener une vie normale et qui ont donc les mêmes difficultés qu'une partie des gilets jaunes dont nous parlons, mais qui n'ont pas sombré dans la violence et qui en tout cas pensent qu'au bout de 8 semaines ça suffit. Le phénomène des gilets jaunes, regarde ce que l'on sait aujourd'hui via Internet et via la mobilisation notamment sur les ronds-points, n'est-il pas une escroquerie? J'ai envie de vous dire une escroquerie intellectuelle. C'est-à-dire qu'on s'est laissé impressionner par 287 000 personnes. Est-ce qu'il est un militant macroniste ou est-ce que c'est un journaliste? Je rappelle qu'il existe une charte, la charte de Munich, qui dit que les journalistes ont pour mission d'informer afin que la population puisse se faire sa propre opinion. Et pour vous, ils n'informent pas? Ils n'informent pas. Ils font de la propagande ou quoi? Bien sûr qu'ils font de la propagande. Ils font du militantisme journalistique. Et j'enlève le mot journal. Parce qu'encore une fois, il faut que les journalistes reviennent à leur véritable essence et profession. Informer la population afin de réveiller le libre arbitre. Donc ce n'est pas Yves Calvi de me dire si les gilets jaunes c'est bien pour le pays ou pas. Lui, il doit juste donner les informations afin que moi, citoyen, je me fasse ma propre opinion. Donc les journalistes n'ont pas à nous faire la morale, ils n'ont pas à nous dire ce qui est bien, ce qui est mal, ils n'ont pas à nous dire quel système économique est mieux pour le pays ou pas, quel parti politique je dois voter ou pas. Ce n'est pas leur mission. La mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Mi seppellirai lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellirai lassù in montagna, sotto l'ombra d'un bel fior. E la gente che passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passerà dirà, oh che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Raphaël Pitti, ce qui se joue en Ukraine est du même ordre que ce qui s'est joué en Syrie? Mais oui, bien évidemment, c'était évident. Nous n'avons jamais tiré les leçons de ce qui s'est passé en Syrie, pas du tout, depuis 10 ans. Il y a une stratégie russe qui a été appliquée en Tchétchénie et qui fonctionne très bien, qui a très bien fonctionné aussi en Syrie, comme elle va bien fonctionner aussi en Ukraine. Il ne s'agit pas du tout de combat d'armée contre armée, il s'agit simplement d'une stratégie qui vise à encercler les plus grandes villes du pays. Une fois qu'elles sont encerclées, on les bombarde de manière systématique et très fortement, de manière à terroriser la population et les combattants qui sont à l'intérieur. La ville est assiégée à ce moment-là, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau potable, les gens ont froid, les gens ont faim, et ça va durer autant que cela est nécessaire. Et ça peut durer, Alep, 6 mois, la Ruta, 8 mois. 8 mois, la Ruta, avec des blessés à l'intérieur, plus de médicaments possibles. Nous avons combien de fois condamné cette situation, les hôpitaux qui sont bombardés systématiquement, etc. Combien de fois avons-nous été sur vos plateaux, etc., pour dire la situation, ces crimes contre l'humanité. La population syrienne est victime, elle a été martyrisée pendant toutes ces années avec toutes les armes possibles et inimaginables. Tout aura été utilisé contre eux. Ne pas oublier qu'il y a 500 000 morts sur ces 10 années. On oublie les pathologies chroniques qui n'ont pas été prises en charge. On évalue à 1,5 million à 2 millions de personnes qui sont mortes de manière secondaire liée à l'absence de soins. Vous avez 7 millions de Syriens à l'extérieur, 6 millions à l'intérieur qui sont déplacés à l'intérieur de leur propre pays. Voilà la situation. Qu'allons-nous voir en Ukraine? Eh bien, vous aurez ça. C'est-à-dire que toutes les grandes villes vont être encerclées. Elles seront bombardées systématiquement. On coupera l'électricité, on coupera l'eau potable, etc. Ensuite, de quoi ils vont être... On va les assiéger. Ils vont se rendre et bien entendu, comme toujours à chaque fois, comme en Tchétchénie, on va leur dire « vous sortez ». À Alep, la population a été chassée de la ville et ensuite on va la trier, cette population. Et on ne fera rentrer que ceux qu'on voudra bien faire rentrer à l'intérieur de la ville. Et je vous le dis, les Européens, les Occidentaux ont tort. Vous ouvrir des corridors humanitaires, ça va dans le sens de Poutine. C'est donner une arme de guerre. Mais évidemment, à Vladimir Poutine. Il va envoyer 10 millions d'Ukrainiens en Europe. Il va nous envoyer le maximum. Sur 40 millions, il va ouvrir dès à présent. Mais il faut sauver des vies. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit justement, bien sûr, de sauver des vies. Mais en même temps, il aboutira à ce qu'il veut. Il veut la neutralité de l'Ukraine. Il veut en même temps prendre le Donbass, et c'est ce qu'il fera, et il mettra en place l'équivalent de Assad, la même chose que ce qu'il a fait en Biélorussie, la même chose qu'il a fait en Géorgie, il va mettre quelqu'un à sa solde. Et quand il sera en position de force, il va vouloir négocier avec nous, en position de force. D'accord ? Vous dites on n'a pas retenu les leçons de la Syrie. Qu'aurait-il fallu faire, Raphaël Pitti ? Et que faut-il faire là pour venir en aide au peuple ukrainien ? Je vous assure, Poutine est un homme qui est totalement résolu dans ce qu'il veut. Et il va jusqu'au bout de ce qu'il veut. La vie ne compte pas. La vie compte pour nous. Chaque vie a de la valeur. Elle n'a aucune valeur pour ces hommes qui sont sur un logiciel de l'ancienne URSS. Ça n'a pas d'importance. L'homme n'a pas d'importance. Seul compte l'objectif que l'on se fixe. Et donc la vie n'a pas de valeur. À ce point-là. Aujourd'hui, les Européens disent, les Occidentaux disent, laissez ouvert des corridors humanitaires. Mais nous allons avoir 10, 15, 20 millions d'Ukrainiens. Il faut obtenir ce qu'avait obtenu Erdogan. Quand Erdogan s'est vu avec 4 millions de Syriens chez lui, il a dit, j'en ai trop. les Occidentaux ne comprenaient pas. En 2015, ils ouvrent la frontière. Ils nous envoient 1,5 million. Nous réagissons comment? La crise de 2015-2016. Et on lui donne 6 milliards pour qu'il les garde. Alors, où nous faisons ça à la Pologne? Et on donne de l'argent à la Pologne pour qu'elle les garde. Et à la Moldavie, à la Hongrie, on vous donne de l'argent, vous les gardez. Ou alors, on négocie ce qu'avait fait Erdogan, la possibilité de laisser les Ukrainiens dans des zones de désescalade de la violence. C'est-à-dire créer des zones à l'intérieur de l'Ukraine dans lesquelles il n'y aura pas de survol aérien et que, effectivement, la population peut venir se faire sécuriser avec des corridors humanitaires pour les alimenter, les ONG viennent, etc. Tout ça à l'intérieur de l'Ukraine. De leur pays. Qu'ils ne quittent pas leur pays. Qu'ils ne quittent pas leur pays. Parce que ça fait pression en même temps sur Poutine. Ils sont là présents. Idlib résiste encore. Pourquoi ? Parce qu'il y a un corridor humanitaire, il y a les rebelles qui sont là, donc l'armée est présente là-dessus, et donc Idlib résiste. Poutine a fait fermer tous les corridors humanitaires. Il n'en reste plus qu'un, celui-ci, et celui-ci résiste. Mmh. Et celui-ci est un pôle de résistance de manière importante. Il faut que nous fassions la même chose, et que nous ayons le courage d'accepter d'avoir froid dans nos appartements cet hiver. Et que nous acceptions d'avoir une température de 18 degrés et qu'on n'achète plus de pétrole et de gaz à Poutine. Parce que tous les jours, vous versez à Poutine l'exacte somme qu'il dépense pour la guerre en Ukraine. Nous lui donnons l'argent par l'achat de gaz et de pétrole que nous faisons tous les jours. Nous versons cette somme-là. Alors, soit nous sommes assez stupides et nous avons bien enregistré le fait que nous abandonnons l'Ukraine, alors il faut négocier dès maintenant et dire « Ok ». On abandonne l'Ukraine. Ou alors on a du courage et il n'y a pas d'engagement sans risque. On ne peut pas s'engager à vouloir défendre l'Ukraine sans qu'il y ait de risque. Alors acceptons d'avoir froid cet hiver. Ma patrie, où le ciel et la mer se ressemblent. Et vêtu de soleil et noyé de bleu tendre. Et quand viennent les bateaux, on les prend pour des oiseaux dans le bleu de l'horizon qui les confond. Ma patrie, où le ciel et la mer sont les mêmes. Les affaires, elle et lui comme un couple qui s'aime. Tous les deux, au matin blanc comme un lait d'amande. Et le jour tout ébloui, frangé d'or et de chaleur. Tous les deux, reflétant les lumières qui tremblent. Des étoiles de minuit et des torches des pêcheurs. Ma patrie, où le ciel et la mer se ressemblent, a pour moi dans la gorge un orchestre qui chante, un chant pur et fraternel dont les mots sont éternels, où je vais le cœur tendu et les pieds nus. Ma patrie, où le ciel et la mer me rassurent, c'est là-bas un pays sans mur et sans armure. Et je vois rire une fiancée sur la plage. Elle attend au soleil fou. Elle court au rendez-vous. Où l'amour jaillira dans un élan sauvage. Comme un cri né sur la mer. Comme un pain dans la lumière. Où l'amour nous fondera. Tous les deux comme un bleu de mirage. Dans la mer et dans le ciel. Dans le ciel de ma patrie. le royaume wisigoth, origine et roi wisigoth. Le royaume wisigoth trouve son origine dans la chute de l'Empire romain qui s'effondre en l'an 476. Et pour cause, de graves problèmes internes, tant politiques que militaires, et des affaires de corruption accablaient l'Empire. En parallèle, une grosse pression était exercée à l'extérieur de ses frontières par les peuples d'origine germanique, aussi connus sous le nom de barbares. Au début du 5e siècle, la péninsule ibérique avait une population approchant les 5 millions de personnes. En 409, elle est envahie par les tribus des Suèves, des Vandales et des Alains, ces derniers étant d'origine asiatique. En 416 apparaissent les Wisigoths, qui s'allient avec Rome pour éliminer d'Hispanie tous les autres envahisseurs. Les Wisigoths étaient approximativement 80 000 et ont été à leur tour repoussés par les Huns, menés par leur chef Attila qui arrive alors au trône en 434. Les Suèves résisteront dans le nord-ouest de la péninsule, territoire qui correspond aujourd'hui à la région de la Galice. Les Wisigoths, dont la capitale était dans le sud de la France, à Toulouse, sont battus par les Francs dans la bataille de Vouillé et déplaceront leur capitale à Toledo dans le centre de la péninsule ibérique. Dans le sud, l'Empire byzantin, dirigé par Justinien, réussit à s'établir dans une grande partie de la Méditerranée. En 585, le roi wisigoth Léovigilde réussit l'unification géographique en incorporant le royaume de Suève au royaume wisigoth après plusieurs campagnes militaires. Son fils Récared, quant à lui, mène à bien l'unification religieuse en abandonnant lors du troisième concile de Toledo l'hérésie arienne qui niait la divinité de Jésus-Christ. Il se convertit au catholicisme, religion alors majoritaire de la population hispanico-romaine à cette époque, et à partir de ce moment commence une importante politique anti-juive. En 1554, le texte juridique Liber Iudiciorum est promulgué avec la montée au trône du roi Recesvint. Ce texte basé sur les principes du droit romain suppose l'unification juridique à tous égards de la population d'origine romaine et des Wisigoths. Vers l'an 710, suite à la mort du roi Witiza, se produisent des affrontements entre les deux prétendants au trône, Rodéric et Adjila II. Les forces du califat Omeyyade affronteront Rodéric dans la bataille de Guadalete, dans laquelle celui-ci perdra la vie. Peu d'années après, toute la péninsule ibérique, excepté le nord, est conquise par les musulmans. À cette époque, les grands intellectuels étaient des ecclésiastiques, comme saint Isidore et saint Léandre. Saint Isidore, qui fut évêque de Séville, laissa de nombreux écrits derrière lui. Son œuvre majeure est Étymologie, première encyclopédie de l'histoire du Moyen-Âge, où à partir de l'origine des mots sont systématisées et expliquées toutes les connaissances de son temps. Concernant l'architecture, les bâtiments sont construits à travers des parfaites stalles, des murs larges et des voûtes en demi-berceau. Les églises de San Juan de Baños à Palencia, San Pedro de la Nave à Zamora et Santa Comba de Banda à Orense sont particulièrement très importantes. En orfèvrerie, les Wisigoths travaillent très bien l'or et l'argent, dans lesquels ils incrustent des pierres précieuses et du verre pour confectionner des bijoux, des couronnes ou des croix. Pour citer deux trésors wisigoths remarquables, composés de couronnes votives et de croix en or, les trésors de Torredón Jimeno à Rennes et le trésor de Guadalajara qui comprend la couronne du roi Recesvint. Mes souliers ont beaucoup voyagé, ils m'ont porté de l'école à la guerre. J'ai traversé sur mes souliers ferrés le monde et sa misère. Moi, mes souliers ont passé dans les prés, moi, mes souliers ont piétiné la lune, puis mes souliers chez les fées et fait danser Ludune.